Thank you. penser. La la la la la la la la la la la. Casser la voix. Casser la voix. Je te promets le... C'est quoi les accords ? Moi, je c'est Nathan Thier qui l'a demandé à chanter la chanson. Je vais te chanter la chanson. Promis que je vais te chanter la chanson de Nathan Thier. Moi, je connais pas des morceaux de Malmsteen. Je connais que Johnny Hallyday. D'abord, il faut repiquer le morceau sur Internet. Voilà. Quand tu as repiqué le morceau, tu fais télécharger. Télécharger Johnny Hallyday. Ok, mon petit David. Oh, rock'n'roll. Je te trouve. Je promets le ciel. Je te promets le ciel. Je promets le baiser de ma bouche. Je te promets.